Le rassemblement commémoratif des victimes coréennes a eu lieu le 4 mars à Tokyo, à l'occasion des 72 ans du grand raid de Tokyo par les forces armées US. Y ont pris part les permanents de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, autres Coréens de Kanto, ainsi que les personnalités et habitants japonais. Les participants ont observé un moment de silence à la mémoire des victimes. On y a présenté le message commémoratif commun parvenu du comité coréen de mesure du problème d'esclavage sexuel au service de l'armée japonaise et des victimes de la réquisition forcée et de l'association des victimes de la réquisition forcée des Coréens et de leurs familles et le discours commémoratif du conseil sud-coréen pour la promotion d'indemnisation des victimes de la guerre du Pacifique. Les orateurs ont indiqué de s'efforcer toujours jusqu'à ce que le gouvernement japonais reconnaisse l'entrée des familles et des victimes coréennes, de prier à l'avenir aussi pour l'âme des victimes du grand raid de Tokyo et de faire l'impossible pour l'enquête sur les dégâts subis par les Coréens.